إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 14 dans l'explication du livre Al-Adillatu al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya donc al-mujtama'at al-islamiyya c'est-à-dire c'est un livre qui explique les méfaits de la démocratie et qui réfute en même temps les arguments des soi-disant islamistes qui appellent les musulmans à participer aux élections et à rentrer dans le Parlement et à soi-disant essayer d'établir la charia en passant par la voie électorale et les trucs démocratiques. Donc le cheikh il explique maintenant dans ce chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est le chapitre 3, hein, comme je dis on est dans le cours 14 et on commence le chapitre 3 où Al-Fasl al-Thalith et aujourd'hui c'est Mujmal al-Shubah allati yata'allaqu biha du'at al-intikhabat, c'est-à-dire la plupart, d'une certaine façon, qui est maintenant globale, on va mentionner les différents arguments que les hizbiyyins amènent pour essayer de justifier ou essayer de défendre l'idée de démocratie et de prétendre que ça fait partie de l'islam. Donc le cheikh il commence en disant, avant de rentrer dans les arguments directement, il fait une petite introduction justement pour faire comprendre comment les gens de Bid'a, dans leur façon de faire, c'est qu'ils essaient toujours de déformer la réalité de l'islam, la réalité des textes du Coran et de la Sunna, pour essayer de les appliquer à des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, et comment ils procèdent pour faire ces choses-là. Donc le cheikh il commence en disant, روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم واللفظ لمسلم. Donc le cheikh il commence à mentionner un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et c'est selon Aisha رضي الله عنها. Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le verset 7 dans surat Ali Imran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset. Et ce verset-là, il dit quoi? Il dit, c'est lui, Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait descendre sur toi le livre. Et parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire des versets qui n'ont qu'une seule interprétation et une seule signification. Et ce sont eux qui sont à la base du livre, ce sont la mère du livre, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam l'appelle dans ce verset. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire des versets qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, et ceux qui ont une maladie de déviation dans leur cœur et d'égarement, ils cherchent de façon préméditée justement à suivre ces versets-là qui ont plusieurs interprétations, dans le but de faire la fitna et dans le but d'essayer de les interpréter, hein, et pour dévier bien sûr les gens. Alors que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît son interprétation, et ceux qui sont fermement ancrés dans la science disent nous y croyons, tout ça vient de notre Seigneur, et وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. C'est uniquement les gens qui possèdent la raison qui vont s'en souvenir. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle a dit, après avoir mentionné ce verset-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait ou récitait, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout de suite après avoir lu ce verset-là, lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations, alors ceux-là sont ceux que Allah a mentionnés dans ce verset-là, alors prenez garde à ces gens-là. Faites attention à ces gens-là. Et allez, on va donner des exemples. Tout ce qui va suivre, là, c'est l'explication maintenant de ce verset-là comme introduction. Donc, il y a des versets qui sont clairs et qui ont des significations claires, tandis qu'il y a d'autres versets qui peuvent être interprétés différemment. Il y a des gens qui cherchent uniquement ces versets-là pour essayer de les interpréter de façon à justifier et à défendre des idées qui n'ont rien à voir avec l'islam, et donc, on va voir des exemples de ça au fur et à mesure. Le cheikh il mentionne maintenant les paroles d'un des grands savants de tafsir qui s'appelle Ibn Jarir al-Tabari. Et Ibn Jarir al-Tabari, il dit dans son tafsir Jami' al-Bayan an ta'wil aya al-Qur'an, il dit: وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت في من فيه من أهل الشرك فإنه معني بها أو معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابهه آية القرآن ثم حاج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان. Donc ça c'est les paroles de l'imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari. Il dit que ce verset, même s'il avait été comme on a mentionné, comme le cheikh dit, comme on a mentionné déjà que ce verset-là était révélé au sujet de ceux qu'on a mentionné parmi les gens du shirk, toutefois on peut inclure dans la signification de ce verset-là tout innovateur qui amène dans la religion d'Allah une innovation ou une bid'a qui n'en fait pas partie et dont le cœur de cette personne-là a penché vers la bid'a, penché vers l'innovation, hein, et qui essaie de la déformer ou de l'interpréter d'une manière, yani pour justement faire pencher le sens des versets du Coran, faire pencher le sens des versets du Coran qui sont pas clairs vers la signification que lui veut amener qui est en accord avec sa bid'a. D'accord? Donc il essaie de faire pencher les sens du Coran du côté de sa bid'a. Et il déforme les sens du Coran pour ça en se basant sur des versets qui ont plusieurs interprétations ou qui prêtent à plusieurs interprétations, hein, comme c'est mentionné dans la traduction. Quand vous regardez dans la traduction du Coran, ils ont traduit ce verset-là des versets qui ont un sens équivoque, hein, c'est-à-dire un sens qui peut impliquer plusieurs significations, d'accord. Et donc ça, c'est la façon qu'ils utilisent, c'est la méthode qu'ils utilisent. Puis ils essaient d'argumenter en se basant sur ces versets-là, et ils vont essayer de même de disputer avec les gens qui sont sur la vérité, parmi les gens de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, pour essayer de supporter sa position, hein, alors qu'il est en train de s'écarter des preuves qui sont claires, parmi les preuves qui sont rapportées dans les versets qui sont clairs et qui n'ont qu'une seule signification. Et il fait ça dans le but de tromper les gens et de les mélanger, et de mélanger les gens par rapport à la vérité sur laquelle se tient les croyants. Et il fait ça dans le but justement de déformer et de changer le sens de ce qui est révélé parmi les versets qui ont plusieurs interprétations, comme je disais, hein, et peu importe qui ils sont, dans le sens que peu importe qui rentre dans cette description-là de parmi les gens de Bid'a, peu importe qui ils sont, que ce soit des mouchriquins, que ce soit des kuffars, que ce soit des mubtadi'a, que ce soit différentes catégories de personnes, depuis qu'ils ont cette attitude-là vis-à-vis les versets du Coran, alors automatiquement ils rentrent dans le sens de ce verset-là, ou dans le sens des gens au sujet desquels Allah nous a avertis dans ce verset-là. Allah nous a avertis contre des gens qui vont arriver et qui vont prendre des versets qui sont pas clairs pour essayer de mélanger le monde. Et justement, c'est ça ce qu'on voit dans l'attitude de ces gens-là qui appellent à la démocratie. Il y a des versets clairs qui interdisent de prendre pour allier avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres que le Coran et la Sunna, d'autres que la révélation, hein, et qui nous interdit de prendre des lois et des juges, autres que la charia pour juger entre nous dans nos disputes. Eux, ces gens-là, ils viennent avec des versets qui sont, disons, qui ont des versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations, plusieurs sens, et qui ne sont pas clairs sur le sujet dont ils parlent, et ils veulent essayer justement de les interpréter d'une façon pour faire croire aux gens que ce qu'ils appellent à suivre, ça fait partie de ce qui est mentionné dans ces versets-là, alors que lorsque tu retournes réellement aux autres versets et aux autres hadiths dans le Coran et dans la Sunna, eh bien tu trouves des preuves qui sont explicites et claires pour réfuter justement les arguments et les idées que ces gens-là sont en train de ramener dans les versets qui sont justement équivoques et qui ont plusieurs significations. Voilà, on va continuer à aller en lisant les paroles de l'imam Ibn Kathir, qui est un des grands savants de tafsir aussi, et qui va nous clarifier encore plus la signification de ce verset-là. Le cheikh il dit, وقال ابن كثير قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه نعم. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici, ou l'imam Ibn Kathir pour commencer? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont une déviation dans leur cœur, c'est-à-dire qui ont dans leur cœur un égarement, qui ont dans leur cœur le fait de vouloir sortir de la vérité, de quitter la vérité pour se diriger vers l'égarement et le mensonge, ces gens-là, ils suivent des choses qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Ma tashabaha minhu. Et ils prennent uniquement ce qui est pas clair ou qui est pas direct dans le Coran, hein? Parce que qu'est-ce qui est pas clair et qu'est-ce qui est pas direct, c'est facile de l'interpréter. Par exemple, je vous donne un exemple juste pour vous faire comprendre. C'est pas relié directement à la démocratie, mais quand même ça peut vous donner un exemple comment des gens peuvent jouer avec les versets qui sont mutashabihat. Les versets comme par exemple dans le Coran, quand vous dites au début بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Alors il y a quelqu'un qui va venir par exemple, au lieu de prendre les versets qui sont clairs dans le Coran, établissez la salat, faites le hein, faites la payer la zakat et qui nous donne les choses, et il s'en va et dit, il arrive avec le verset ألف لام ميم. Et là il commence à expliquer à dire ألف لام ميم, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Il commence à essayer de jouer avec le sens de ces trois lettres, hein. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas expliqué ces versets-là. Mais c'est juste un exemple pour vous dire. Ils vont prendre ces versets-là pour dire, commencer à imaginer des choses, à inventer des choses, à dire des choses pour faire croire aux gens des affaires qui n'ont rien à voir avec l'islam, en se basant sur des choses. Exactement. Exactement. Ils vont dire, bon, nous, on a des connaissances secrètes que vous, vous connaissez pas sur ces versets-là. Et donc, nous, voici, il faut nous écouter. Et là, il rentre là-dedans. Il y a plein d'autres exemples comme ça, pas seulement à propos de ces versets-là, il y a aussi des exemples à propos de certains principes qu'ils ont pris des koufars et ils veulent essayer de les faire rentrer dans l'islam, alors ils vont chercher des versets qui sont très très vagues ou qui ont des sens vraiment général. Ils vont laisser ou mettre de côté tout ce qui est spécifique et précis à propos de ces choses-là qui viennent en contradiction avec ces idées-là. Comme la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme et les autres choses. Hein? Donc le cheikh il dit, ils veulent déformer, hein, ils veulent prendre les versets qui peuvent avoir plusieurs sens, parce que ces versets-là vont leur donner assez de marge et assez de lousse pour pouvoir les déformer et les interpréter selon leurs intentions qui sont corrompues pour pouvoir justement essayer de jouer avec la religion. Parce que ces versets-là peuvent justement avoir, être interprétés de diverses façons. D'accord? Et le cheikh dit, فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَلَا نَصِيبَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ دَامِرٌ لَهُمْ وَحُجَّةٌ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإذلال لأتباعهم وإيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهذا حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى بآية بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. Donc le cheikh il dit que quand tu regardes par exemple les versets qui sont clairs, qui n'ont pas plus qu'une seule interprétation et une seule signification, ces gens-là n'ont aucune part dans ces versets-là et aucune preuve pour, de leur côté dans ces versets-là. Parce que ces versets-là viennent pour les détruire complètement et annuler complètement leur argumentation. Et en réalité, ce n'est pas des preuves en leur faveur, ce sont des preuves contre eux. Les versets qui sont clairs sont des preuves contre eux. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ibtira al-fitna. C'est-à-dire que ces gens-là, ils recherchent de faire le désordre, de faire la fitna, de faire des troubles avec ces versets, hein, ambigus, ou des versets qui sont, disons, à équivoque ou à plusieurs sens, parce qu'ils veulent égarer leurs fidèles, égarer les gens qui les suivent justement dans l'égarement. Et pour les faire, ou pour leur donner l'impression qu'ils sont en train d'utiliser le Coran comme argument. Hein? Donc, quand tu vas parler avec certains de ces gens-là qui appellent à la démocratie, comme Tariq Ramadan, Youssef Al-Qardawi, yani Tariq Souaydan, qui d'autres encore, Abdelmajid Al-Zindani, et yani plein d'autres encore, tu les vois en train d'essayer de mentionner des versets de Coran, essayer de mentionner des hadiths pour essayer de justifier ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer d'égarer leurs fidèles qui les écoutent et de leur faire croire que, regardez, ils mentionnent le Coran, ils mentionnent les hadiths. Sauf qu'est-ce que ce sont des hadiths clairs sur ce sujet-là? Est-ce que ce sont des versets clairs sur ce sujet-là? Non, ce sont des hadiths qui n'ont rien à voir avec ces sujets-là. Mais eux, ils essaient de les prendre et de jouer avec pour les faire, pour les interpréter, pour faire croire aux gens qui n'ont pas de connaissance de l'islam ou qui ont de la connaissance mais pas de la connaissance bien défini, bien détaillé des règles de la charia, pour jouer avec leurs esprits, pour leur faire croire qu'ils ont des arguments, alors qu'ils n'en ont pas. Et que les choses qu'ils mentionnent comme arguments sont souvent des arguments contre eux. Et le chien qu'ils donnent comme exemple, ils disent, regardez par exemple les chrétiens. Certains chrétiens, ils sont venus pour essayer de défendre le christianisme en essayant d'utiliser des versets du Coran. Alors, ils ont pris des exemples, comme par exemple, dans le Coran, il y a la mention que Allah est, que Isa est un esprit d'Allah. Et sa parole que Allah a mis en Maryam. Donc ça, c'est des exemples qu'ils ont pris, des paroles qui pourraient être interprétées de différentes façons. Et certains d'entre eux ont essayé de les interpréter d'une façon pour essayer de faire croire qu'il y a un sens là-dedans qui penche vers la signification des chrétiens. Mais ils ont mis de côté les autres versets qui clarifient ces versets-là, hein, qui sont muhkama, qui sont clairs, comme par exemple le verset 59 dans Surat Az-Zukhruf qui dit In huwa illa abdun an'amna alayhi. C'est-à-dire, ce n'est qu'un esclave, un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah, sur qui on a mis de nos grâces, hein. Et ils ont aussi mis de côté l'autre verset dans le verset 59 dans Surat Al-Imran qui dit l'exemple de Jésus par rapport à Allah, c'est comme l'exemple d'Adam. Il a créé à partir de la terre, et puis il lui a dit soit, il l'a créé à partir de la terre, il lui a dit soit, et il fut. Donc ça, c'est l'exemple clair dans le Coran qui montre que Isa, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne fait pas partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et que c'est pas un de trois, ou le Fils de Dieu, ou des choses de ce genre, ou une Trinité avec Dieu, ou des choses de ce genre. Donc, on a réfuté l'argument de ces gens-là qui essaient de jouer avec l'essence du Coran pour essayer de justifier le shirk ou les croyances égarées des chrétiens. Donc ça, c'est un exemple. Et après, il dit que le nombre des versets clairs qui réfutent cette idée-là de la part des chrétiens, ils sont très très nombreux dans le Coran, et ça, ces versets-là qui réfutent ça sont des preuves que Isa alayhi salam n'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'est qu'un serviteur et qu'un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas plus que ça. Et ça, c'est l'exemple de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dans le volume 2 à la page 5, il explique ces choses-là. Ensuite, le cheikh qui a écrit le livre, Hassan ibn Qasim, c'est Hassan ibn Qasim al-Husayn al-Raymi, il dit quoi? Il dit par la suite, « Qultu, ma ashbaha kalamahu rahimahullah bihali du'at al-intikhabat al-lazina yastadilluna ala bid'atihim » بتجويز المشاركة في الانتخابات بأدلة ينزلونها على بدعتهم لاحتمال لفظها إضلالا لأتباعهم وللعامة من الناس وإيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن والسنة. Donc le cheikh il dit, quand tu compares les paroles de l'imam Ibn Kathir que Ibn Kathir a mentionné ici dans ce tafsir, tu prends ces paroles-là et que tu regardes la situation des gens qui appellent à la démocratie parmi les musulmans et qui essaient d'utiliser le Coran et la Sunna pour justifier qu'est-ce qu'ils font, tu vois qu'il y a une comparaison vraiment claire et que ça rend vraiment la description que Ibn Kathir fait de ces gens-là qui jouent avec le Coran, elle s'applique vraiment mot pour mot à l'attitude des gens qui essaient d'appeler à la démocratie au nom de l'islam. Ça rentre exactement. Les deux, un rentre dans l'autre, hein. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, ils essaient d'appliquer certains versets pour justifier leur bid'ah, hein, et pour rentrer dans les élections, hein, et pour faire égarer leurs fidèles et pour leur faire croire qu'ils ont des preuves du Coran et de la Sunna, hein. Et après, il mentionne des paroles d'un autre savant de l'islam, l'imam al-Nawawi, qui dit, « وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب أما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعذر كما عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صديق بن عسل حين كان يتبع المتشابه والله أعلم. Donc l'imam al-Nawawi il parle d'un hadith, hein, dans son explication de Sahih Muslim, et il dit à propos du hadith qu'on a mentionné à l'introduction, il parle de Aisha رضي الله عنها quand elle a mentionné la signification du verset 7 dans surat Ali Imran. L'imam al-Nawawi, il parle de ce hadith-là et il dit, dans ce hadith, il y a un avertissement au sujet de ceux qui se mélangent avec les gens de déviation et les gens de bid'ah, qui essaient de suivre les choses qui sont pas claires, ou les choses qui sont ambiguës pour faire la fitna. Mais celui qui pose la question sur des choses qu'il n'a pas compris comme il faut, ou qu'il a de la difficulté à comprendre, dans le but de s'orienter, et qui a adopté une attitude de douceur, dans le sens que il vient pas devant le savant ou devant le cheikh pour poser la question comme pour argumenter avec lui ou pour débattre avec lui. Au contraire, il a une attitude d'humilité, il vient demander au cheikh parce que vraiment il n'a pas compris quelque chose, c'était pas clair pour lui. Donc, celui-là, le cheikh, il dit, celui-là, c'est permis pour lui de poser la question et c'est obligatoire qu'on lui réponde. Si on a la réponse, c'est obligatoire qu'on lui réponde. En ce qui concerne le premier, celui qui demande uniquement et qui cherche uniquement les choses qui sont pas claires, parce qu'il veut faire la fitna avec ça, celui-là, il faut pas lui répondre, et en plus, il faut le punir. Il faut qu'il soit puni pour ça, parce qu'il fait exprès pour faire la fitna et le désordre avec ça. Comme Omar ibn al-Khattab a puni un homme qui s'appelait Sabir ibn Asal à son époque. Parce qu'il cherchait juste les choses qui sont pas claires, pour essayer de faire la fitna avec les gens avec ça. Et Sabir ibn Asal, son histoire c'est quoi? C'est un homme qui allait voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait dans la rue, demandait à n'importe qui des questions sur le Coran. Des versets qui ne sont pas des versets vraiment sur les fondements de la foi, sur les fondements de la religion, sur des questions de détails qui ne sont pas fondamentales dans la religion, mais le problème c'est pas qu'il posait la question pour savoir, il posait la question pour faire de la fitna avec ça. Et donc Omar ibn Khattab a entendu parler de lui. Il a entendu qu'il y a un homme qui se promène comme ça chez les gens et commence à poser plein de questions pour rien comme ça. Alors, il l'a fait venir chez lui. Il l'a fait venir. Il a dit, c'est toi qui poses la question aux gens comme ça, là, qui se promènent dans la rue, poser plein de questions aux gens. Il a dit, oui, c'est moi. Alors, Omar ibn Khattab, il a pris, il a commencé à le battre avec des palmes, avec des feuilles de palme. Il a frappé dans sa tête comme ça. Après, il l'a emprisonné, il l'a mis dans la prison. Il l'a enfermé dans une pièce. Le lendemain, il est revenu. Il l'a battu encore dans sa tête. Après, il l'a enfermé. Le deuxième jour, troisième jour, la même chose, il commence à le frapper sur sa tête encore. Sabir ibn Asal, il dit, ok, ça y est, Omar. Il dit, si tu veux me tuer, alors tue-moi. Mais si c'est pour enlever le shaitan qui était dans ma tête, ça y est, il est parti maintenant. Maintenant, je suis guéri. Il l'a frappé avec des palmiers, mais Dieu, tu vois, je sais pas, Allahu A'lam, mais c'était mentionné que c'était des palmes, des feuilles de palmes, quelque chose comme ça. En tout cas, il a frappé Dieu dans sa tête. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Omar l'a laissé partir. Mais il lui a dit, il a dit aux gens, je vous interdis tous de vous asseoir avec lui et de lui parler. Donc, ils ont dit par la suite qu'il n'est pas mort jusqu'à ce qu'il était devenu un savant de l'islam. Parce qu'il a été éduqué. Il a dit, Ad-dabani al-abd salih. C'est-à-dire, l'homme pieux m'a éduqué. Et après ça, il est devenu un des savants de l'islam. Donc c'est pour des... Non, il était musulman. Il était musulman, mais il avait cette fitna en lui. Exactement. Et aujourd'hui, à notre époque, dans la société, il y en a beaucoup de gens qui sont comme Sabir ibn Asal, malheureusement. Des fois c'est l'ignorance, des fois c'est parce que les gens ils ont une maladie dans le cœur. Et ils cherchent juste à faire des problèmes. Donc, après, ça c'est les paroles de l'imam al-Nawawi dans le Sharh de Sahih Muslim. Ensuite, le Cheikh il dit, وقال أبو بكر ابن عبد الله أبو زيد وأهل الشبهات وأهل الشبهات لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة لبناء خروجهم عن الشريعة على مرض الشبهة الفاسدة. Donc il y a une parole ici d'un autre cheikh qui s'appelle Bakr ibn Abdullah Abu Zayd, et il dit dans un livre qu'il a écrit, dans ce livre-là, on a déjà mentionné le livre déjà dans les cours précédents, il dit que les gens du Shubuhat, c'est-à-dire les gens qui suivent les Shubuhat, ils mélangent le vrai avec le faux, c'est-à-dire il prend quelque chose de vrai, il prend quelque chose de faux et il l'enveloppe avec quelque chose de vrai. Pour faire croire aux gens que qu'est-ce qu'il dit c'est vrai. Alors toi tu le vois à l'extérieur, tu dis waouh, ça c'est la vérité. Mais à l'intérieur en dessous, c'est un mensonge. Mais toi tu peux pas le voir à premier coup parce que soit qu'il te manque de la connaissance, ou bien soit que tu es, confus, hein. Les choses sont pas claires. Donc c'est ça qui est dangereux avec ces gens-là. Ils couvrent le mensonge avec un peu de vérité pour te faire croire que c'est bon. Puis du moment que tu l'acceptes, après tu t'égares. Et c'est ça les dangers de ces gens-là. Et qui ils trompent avec ça? Ils trompent les gens simples, ou les gens qui n'ont pas étudié, ou qui n'ont pas de connaissances, les gens ordinaires, hein, et ils les amènent à sortir de la sunna, hein, en leur envoyant ce genre de shubuhat. C'est pour ça qu'on appelle les shubuhat, on les appelle des shubuhat, pourquoi? Parce que c'est un mensonge, mais en apparence, il est recouvert de vérité. Toi, tu penses que c'est vrai, alors que c'est un mensonge. Alors c'est pour ça que c'est dangereux les shubuhat. Après le cheikh il dit, كما أن دعاة الانتخابات قد ابتلوا بالاستدلال أو باستدلالهم بالمتشابه الذي هو نتيجة لاستدراج الشيطان لهم، ابتلوا كذلك باتباعهم لخطواته التي قد نهانا الله عن اتباعها، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال ابن كثير يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به. Donc le Cheikh il dit que c'est la même chose que les gens qui appellent aux élections au nom de l'islam aujourd'hui, à notre époque, ils ont été frappés par ce malheur d'utiliser des choses qui ne sont pas claires comme argument, comme preuve, pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font, d'égarement. Et ça, c'est le résultat du fait que le shaitan les a égarés. Le shaitan les a égarés. Et ils ont suivi les pas du shaitan que Allah nous a interdit de suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 21 dans Surah An-Nur, « Oh, vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaitan. » Ne suivez pas les pas du shaitan. Celui qui suit les pas du shaitan, il leur donne la turpitude et le mal, et le munkar. Hein? Il leur donne la turpitude et le péché. Donc ça veut dire que ça c'est quelque chose qui nous a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir qui interprète cette partie du verset. Qu'est-ce que ça signifie de suivre les pas du shaitan? Ça veut dire sa voie et son chemin et ce qu'il nous ordonne de faire. Donc tout ce que le shaitan ordonne de faire, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le suivre là-dedans. D'accord? Et le shaykh il dit, قُلْتُ فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ سَوَّلَ وَزَيَّنَ لِدُعَاتِ الْإِنْتِخَابَاتِ فَأَخَذُوا يَفْتُونَ بِجَوَازِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْإِنْتِخَابَاتِ بَلْ يَسْتَدِلُّونَ لِفَتْوَاهُمْ هَذِهِ بِأَدِلَّةٍ يَصْدُقُ عَلَيْهَا قَوْلُ مَنْ قَالَ صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. Donc le Cheikh il explique, il dit que ces gens-là, le shaitan leur a embelli, les gens qui appellent à la démocratie, aux élections, au nom de l'islam, le shaitan les a embellis ce qu'ils font et ils ont pris. Ils ont commencé à faire des fatwas pour essayer de permettre la participation aux élections et ils essaient d'utiliser des preuves pour leurs fatwas et on devrait dire ou on peut dire au sujet de ces soi-disant arguments qu'est-ce que le poète a dit et il mentionne une poésie. Souvent les chouyours parfois, hein, quand ils discutent juste pour donner un point ou pour renforcer encore plus l'argument, ils vont mentionner un vers d'un poète. Hein, une parole d'un poète qui va dans le sens de l'argument et en même temps pour rabaisser ou montrer la futilité de la parole de ceux qui contredisent la sunna. Ils vont dire par exemple ici la vérité, en parlant de la vérité, elle est allée vers l'Orient et toi t'es allé vers l'Occident et il y a une grande différence entre l'Orient et l'Occident. Bien entendu ça arrive. On peut pas comparer la poésie arabe comme ça, juste avec les paroles, comment je les traduis. C'est juste pour dire que je vous donne le sens seulement. Bon, je vais pas vous essayer de d'égaler le style et tout, là, ça c'est autre chose. Mais juste de comprendre la signification, c'est ça le plus important. Donc c'est pour dire que, la vérité est allée comme ça, vous êtes allé dans l'autre direction. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. D'accord, c'est dans ce sens-là. Après, le Cheikh il dit, وَقَالَ تَعَالَى قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله إن المراد جميع طرق الخير والشر فالخير يصدهم عنه والشر يحببه يحببه لهم. Donc le chef il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans un verset, dans Surah Al-A'raf, le verset 16 et 17. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à propos du shaytan, que le shaytan va dire, ou le shaytan a dit, étant donné que tu m'as dévié, ou que tu m'as fait dévier, je vais m'asseoir sur ton chemin droit. Je vais m'asseoir pour eux sur ton chemin droit. Et je vais venir vers eux, hein, par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Et tu n'en trouveras pas la plupart d'entre eux comme parmi les reconnaissants. C'est-à-dire, tu vas pas trouver la plupart d'entre eux parmi les reconnaissants. La plupart d'entre eux vont être des ingrats. Donc, c'est pour dire que, premièrement, le shaytan, dans ce verset-là, il veut même pas reconnaître lui-même son erreur. Il essaie d'attribuer son égarement à Allah subhanahu wa ta'ala en disant « parce que tu m'as égaré ». Il ne veut pas reconnaître lui-même son propre orgueil et le fait qu'il a rejeté la vérité et refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah. Il essaie de prétendre ou d'argumenter par rapport à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « parce que tu m'as égaré ». Ensuite de ça, il dit « je vais, tu vois, par son orgueil ». Et ensuite il dit « je vais me mettre sur le droit chemin » pour eux, pour les empêcher de le suivre, et je vais leur venir dans toutes les directions pour essayer de les bloquer. Et pour essayer de faire en sorte qu'ils vont pas être reconnaissants. Et là, il mentionne les paroles d'Abu Ja'far al-Tawari dans le tafsir qui dit, al-Murad, la signification de ce verset-là, c'est que il va essayer de leur bloquer tous les chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Dans le sens que, le chemin qui est vers le bien, il va le bloquer, puis le chemin vers le mal, il va essayer de leur faire aimer ce chemin-là. Donc, il t'embellit le chemin du mal, et il va te rendre difficile le chemin du bien. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le mal est facile, le bien est difficile. C'est ça ce qui se passe. Tu veux faire le halal, c'est très difficile. Tu veux faire le haram, c'est très facile. Parce que le shaytan, il travaille. Et on vit dans un système justement qui est basé sur la vision ou le plan de Shaytan, la façon comment on voit comment c'est organisé la société, on voit que c'est organisé d'une façon pour aider les gens à faire ce qui est haram et pour leur rendre difficile l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bien. Hein? Na'udhu billah. Donc le Cheikh il dit, وقال ابن كثير وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقع وقد وافق في هذا الواقع فكما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Donc le cheikh il mentionne par la suite les paroles de l'imam Ibn Kathir. Passe-moi la traduction du Coran s'il te plaît, parce qu'il y a une partie du verset ici, je voudrais voir comment ils l'ont traduit là-dedans. C'est surat Saba, le verset 20 et 21. Ok. Donc, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir, et il dit que Iblis, quand il parle de cette façon-là, et qu'il dit qu'il va nous bloquer le droit chemin, c'est uniquement ce qu'il pense qu'il va réussir de faire, et ce qu'il a l'impression qu'il va réussir de faire. Hein. Il dit que, comme il dit, وَقَدْ وَافَقَ فِيهَا الْوَاقِعَ. C'est-à-dire, en réalité, c'est vrai, il a réussi à égarer beaucoup de gens parmi les êtres humains. Mais, le cheikh, il dit, mais par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture ou sa pensée à leur égard, c'est-à-dire à l'égard des êtres humains. Ils l'ont suivi donc, sauf un petit groupe, ou sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir. si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Donc ça veut dire que le shaitan, comme Allah SWT dit, il n'a aucun pouvoir sur les êtres humains qui sont croyants. C'est juste qu'il leur suggère, et puis par la suite ceux qui sont croyants, ils s'égarent, ceux qui sont croyants, ils s'éloignent du shaitan, et ceux qui sont pas croyants ou qui ont des doutes, eh bien, ils tombent dans les pièges du shaitan. Le shaykh dit ensuite, « قلت نعم والله وافق ذلك الواقع فقد حصل الاتباع له من قبل دعاة الانتخابات وما أكثرهم بتجويزهم المشاركة فيها ولم يخالفهم في ذلك إلا فريق من المؤمنين وهم أهل السنة والجماعة السلفيون فأخذوا يحذرون من هذه البلية العظيمة التي نزلت بالشعب اليمني بالكتابة طورا وبالخطب وبالمحاضرات والفتاوى أطوارا وما أحسن ما وصف به إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل أهل البدع وهو ينطبق تماما على دعاة الانتخابات الآن قال رحمه الله فهم مخالفون في الكتاب فهم مختلفون في الكتاب ومخالفون للكتاب ومجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يتشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. Le cheikh il dit, oui, qu'est-ce que Allah a dit? Il dit, oui, par Allah, ce que le shaitan a dit, c'est arrivé. La plupart d'entre les, beaucoup d'entre les êtres humains ont suivi le shaitan. Et en particulier parmi les gens qui ont appelé à aller à les élections et à la démocratie au nom de l'islam. Et comme ils sont nombreux aujourd'hui, qui essaient de permettre ou de rendre licite le fait de participer à ces choses-là. Et ce ne sont que très peu parmi les croyants qui les ont contredits. Et ce sont qui? Ces gens-là qui les ont contredits, ce sont Ahl Sunnati wal Jama'a, As-Salafiyoun. Ils ont commencé à avertir contre ce grand malheur. Et en particulier qui est tombé sur le peuple yéménite. Parce que le cheikh qui a écrit ce livre, il est un cheikh du Yémen. Alors il parle en particulier du peuple yéménite, mais ce n'est pas uniquement sur les gens du Yémen, c'est dans beaucoup d'autres pays musulmans où cette fitna est tombée. Ils ont écrit à ce sujet-là, ils ont fait des khutab contre ça, ils ont fait des conférences contre ça, ils ont écrit des fatwas contre ça, et sans arrêt, hein, ils ont continué toujours à avertir les gens contre ces choses-là. Et donc, comme elle est belle la description que l'imam Ahl Sunnati wal Jama'a a fait au sujet, hein, contre les gens de Bid'ah, comme il les a bien décrits, comme il a bien décrit la réalité des gens de Bid'ah dans sa parole, hein. Et cette parole-là, elle s'applique parfaitement aux gens qui appellent à la démocratie. C'est quoi cette parole? فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ C'est-à-dire, au sujet du Coran, ils sont en désaccord. Au sujet du Coran, les groupes qui appellent à la démocratie, tu les vois, différents groupes, différentes sectes, différentes tendances, différentes croyances, différentes organisations, différents manhaj, ils sont tous divergents entre eux par rapport au Coran, tous en désaccord. Après, mukhalifuna lil kitab, c'est-à-dire ils opposent le livre et ils vont contre le livre. Ils sont tous en désaccord avec le livre, ils vont contre le livre. وَمُجْمُعُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْكِتَابِ Mais ils sont d'accord sur une chose, de s'écarter du livre et de s'éloigner du livre. Hein? Et ils essaient de parler sans science à propos d'Allah et sur Allah et à propos d'Allah et à propos du livre d'Allah. Ils parlent sans science. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite ? وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْكَلَامِ Ils parlent avec des paroles ambiguës, qui sont pas claires, qui ont des sens équivoques, pour égarer les gens. Hein? Quand tu vois une conférence de quelqu'un qui dit « l'islam appelle à la justice », et donc la démocratie c'est la justice, et donc il faut accepter la démocratie. Wow, quelle argumentation, hein? Ça c'est ça, même il y a personne, si tu dis à quelqu'un l'islam appelle à la justice, donc la démocratie c'est la justice, si c'est ça ton argumentation, puis la personne elle sait ni, elle sait pas c'est quoi l'islam, puis elle sait pas c'est quoi la démocratie, c'est sûr qu'elle va accepter ce genre d'argumentation là, parce que tout le monde aime la justice. Mais la réalité, il faut l'expliquer aux gens. Premièrement, il faut expliquer qu'est-ce que c'est la démocratie comme il faut. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est les enseignements du Coran et le Tawhid. Et il faut montrer les contradictions qui existent entre les deux. Eux, non. Non. Parce que c'est, ouais, ben, si c'est pour, par rapport à expliquer les notions et les principes de base, ça, c'est ce que certaines personnes s'imaginent. Que la démocratie, la définition, elle est bonne, mais que l'application, elle est mauvaise. Ça, c'est pas vrai. Ouais. On a expliqué, comme on a expliqué déjà au début des cours, mais c'est bien de le rappeler maintenant, puisqu'on est en train de parler de justement la réfutation des instruments, des gens qui parlent de la démocratie. La signification elle-même de la démocratie, si tu regardes dans le sens linguistique, démos, non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Démocratie, ça vient de deux mots grecs. Démos, qui veut dire le peuple, ou la population. Et kratos, qui veut dire le pouvoir. Donc, la signification du mot démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui se dirige lui-même, qui fait ses lois, qui fait ses jugements, et qui fait qui applique la loi. D'accord? Donc, ça veut dire que, il y a différentes manifestations de ça ou différentes façons de l'appliquer selon les kuffars, la démocratie, mais en principe c'est ça. C'est que les lois doivent être choisies par le peuple, votées par le peuple, et en même temps c'est eux qui doivent l'appliquer cette loi-là. Et ça se faisait directement à certaines époques, à l'époque des Grecs dans l'Antiquité, hein, les mouchriquines grecs qui adoraient les idoles, et aujourd'hui ça s'applique par représentation au Parlement ou à la Chambre des députés, les gens vont élire des représentants, et ces représentants-là vont aller au Parlement, et ils vont faire des projets de loi, puis ils vont voter par exemple pour différentes lois, par exemple pour soit décider par exemple est-ce que les hommes ont le droit de se marier avec les hommes, les femmes ont le droit de se marier avec les femmes, et là ils vont dire bon, si la majorité des députés votent oui, ça veut dire qu'ils vont accepter ça. Et puis là, ils se divisent en partis, parce que bien entendu, une personne tout seule, elle se représente. Si lui, il est élu et qu'il est tout seul, puis que les autres sont dans des groupes et ils votent ensemble, contre lui, il pourra rien faire dans la chambre des parlements. Alors, ils sont obligés de se mettre en gang ou en parti, sous des bases, par exemple, communes qu'ils ont, disent, bon, nous, on est d'accord avec ces principes-là, donc on va faire notre parti, puis l'autre parti, eux, ils vont se mettre ensemble, puis là, chacun va représenter une différente portion de la population, une différente région, puis là, ils vont, si le parti qui a le plus de sièges, c'est eux qui vont pouvoir faire, par exemple, élire leurs membres. Et là, les élections, là, qu'il y a eu au Canada, ça fait même pas quelques jours qu'ils ont terminé. Bon, le parti conservateur, ils avaient pas la majorité des votes encore. Parce que je pense sur 300 sièges au Parlement, ou 300 quelques sièges, ils en avaient, bon, pour avoir la majorité, il faut avoir au moins 159 environ, 159 sièges. Parce que, pour faire passer une loi, il faut que t'as la majorité des votes. Mais étant donné que les trois partis ont une proportion des sièges qui leur permettent pas par eux-mêmes d'avoir une majorité des votes, parce que leur parti a moins que 50% des sièges, Donc là, ils voulaient faire un vote pour essayer de faire en sorte que leur parti augmente leur nombre de sièges au Parlement, comme ça ils vont pouvoir plus facilement faire passer leurs lois. Mais étant donné que ils ont fait tout, dépensé des millions de dollars, fait plein de trucs pour revenir presque au même résultat, c'est-à-dire ils ont maintenant 144 sièges, hein, ils ont toujours une minorité, ils peuvent pas, ils ont toujours besoin d'un autre parti pour faire passer leurs lois, parce qu'il leur manque 12 sièges pour avoir la majorité. Il n'y a personne qui a la majorité, tout le monde a moins que 50 de l'autre pour faire passer quelque chose, c'est ça. Donc parfois, par exemple, si un parti dit, bon, nous on veut pas que ce parti-là réussisse à faire passer sa loi, ils vont dire, on va voter contre, comme ça son projet de loi va pas passer. Et donc eux, ils vont être obligés, par exemple, de faire le parti qui est au pouvoir va être obligé de faire des compromis ou de s'allier avec un autre parti pour pouvoir faire en sorte que ces lois vont passer, hein. Puis, donc c'est comme ça quand il y a des trucs minoritaires, c'est comme un jeu. Et là c'est ça ce qui se passe. Et dans les pays musulmans, bon, il y a plein de trucs de ce genre aussi, mais c'est pour vous dire que c'est gaspillage d'argent, gaspillage de temps, gaspillage d'énergie, les pancartes, les campagnes, les élections, les promenades, la dépense de... Tout ça en plus, et on y peut arriver à quoi? Au même résultat. Eux, peut-être qu'ils n'ont rien d'autre à faire que ça, mais bon, Allah musta'an. Maintenant là, c'est aux États-Unis maintenant, bientôt dans quelques jours ils vont voter. Mais c'est juste pour vous dire que, yani, comme le chef l'explique, et puis comme on a vu, ça ces choses-là de démocratie et tout, ça n'a rien à voir avec la justice, ça c'est l'injustice. La démocratie c'est pas la justice, la démocratie c'est l'injustice. C'est l'une des plus grandes formes d'injustice que l'humanité n'a jamais connu, et malheureusement, on a réussi à faire croire aux gens que c'était quelque chose de bien. On a réussi à faire croire aux gens, par l'ignorance, que cette chose-là était une chose de bien, et c'est bien triste de lire des articles écrits parfois dans certains sites internet qui parlent de l'islam, démocratie, l'islam est-il pour ou contre, comme par exemple dans ce texte-là qui est écrit par un des gens qui sortent des écoles des Diobandiya, hein, de l'Inde, qui écrit dans son site Maison Islam, il écrit un texte pour essayer de justifier ou de défendre la démocratie pour dire que ça fait partie de l'islam. Donc celui-là, il est très rusé, je pense qu'il s'appelle Ahmad Lala, il est très rusé dans ses argumentations, comme la plupart d'entre eux justement. Il veut montrer qu'il est ouvert à la divergence d'opinion et qu'il est prêt à argumenter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène le pour, il amène le contre. Donc c'est bien, on voit qu'on penserait qu'il y a une certaine analyse, qu'il y a une certaine impartialité, une certaine justice dans son argumentation. Hélas, lorsqu'on regarde la conclusion, on voit toutes sortes de choses qui font pas de sens, qui sont contradictoires. Et même dans sa présentation et dans ses définitions, il y a beaucoup de contradictions. Je te le passerai après pour que tu puisses le voir, Inch'Allah. Puis également, il y a l'argumentation de Qardaoui que j'ai ramené aussi. Ça aussi, c'est un texte qui est écrit par Qardaoui, qui essaie justement, lui aussi, Youssef Qardaoui, qui essaie de justifier la démocratie dans l'islam. Tous ses arguments sont faux, du début jusqu'à la fin. Inch'Allah, on aura de toute façon l'occasion d'en parler. Et le cheikh, lui, qui a écrit le livre, étant donné qu'il est au Yémen, il ramène des arguments d'un des ikhwan al-muslimin au Yémen qui s'appelle Abdul Majid Zindani, celui qui a fait les miracles scientifiques du Coran. Il est devenu populaire et célèbre pour ça. Mais tout le reste, toutes ses idées sont mélangées, ce gars-là. Hein, parce qu'il fait partie des ikhwan muslimin, il est rentré dans les élections et dans la politique. Et non seulement ça, mais en tout cas il a beaucoup d'autres problèmes dans sa compréhension de l'islam aussi, et les savants du Yémen l'ont réfuté en commençant par Cheikh Muqbil ibn Hadi, et Cheikh Yahya al-Hajouri, et beaucoup d'autres grands savants de l'islam qui sont au Yémen l'ont réfuté de façon très clair aussi, avec des livres, avec des cours, avec des cassettes, avec des khutbah, avec différents médiums. différents moyens, c'est-à-dire. Donc là, le cheikh il dit, ceux qui se sont opposés à ce système-là, c'est les salafis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on marginalise les salafis. On marginalise les salafis à cause de ça. On essaie de faire comprendre aux gens que hein, ces gens-là sont contre la modernité, contre l'évolution, contre ci, contre ça, et ce sont des radicaux, ce sont des idées ça. Parce qu'aujourd'hui, depuis que tu dis à quelqu'un « je suis pas d'accord avec la démocratie », c'est comme si il a même pas besoin, il n'essaie même pas de comprendre ou d'écouter, automatiquement pour lui c'est comme « ah ça y est, celui-là c'est un extrémiste, il est contre la démocratie ». C'est-à-dire, quelque chose qui fait même pas partie du Coran ni de la Sunna, pour eux, c'est devenu comme une vérité absolue qu'on ne peut plus remettre en question. Mais là, c'est grave. Donc, le cheikh, il dit, naam. L'imam al-Mubajjah, qu'est-ce qu'il dit après? Ok. Okay. Donc c'est ça la description que l'imam Ahmad a fait à propos des gens de Bid'a, et ça s'applique exactement sur eux. Je ne sais pas si vous étiez au courant quand il y avait eu les problèmes avec la fête des accommodements raisonnables ici. Bon, il y a eu plein de débats et de discussions au sujet de différentes choses. Sur la société ici, puis sur d'autres choses. Je vais juste vous mentionner par exemple certains groupes islamistes ici à Montréal, qu'est-ce qu'ils ont écrit au sujet par exemple de la pluralité de la communauté musulmane. Pour vous faire montrer comment ils sont tous divisés entre eux, et ils sont divisés sur le Coran, et ils contredisent le Coran, et ils essaient de dire aux gens, c'est pas grave qu'on est divisé. Il faut tous s'unir, malgré notre division, et rester faire semblant qu'on est unis. Donc, regardez qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, ça c'est le groupe Astrolabe, dans leur mémoire qu'ils ont présenté à la commission, ils disent, la communauté musulmane, une réalité plurielle. Allah Musta'an, la communauté musulmane c'est quoi? Hein? Est-ce qu'il parle de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, hein, ou bien il parle de la réalité des différentes sectes qui sont toutes divisées et il prétend que c'est ça la réalité musulmane. Allah al-Musta'an, si c'est ça la communauté musulmane, alors ils n'ont pas compris réellement la signification de Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Que n'avons-nous pas entendu ces dernières années sur l'islam et les musulmans des choses? La chose est son contraire, en effet, beaucoup, du jour au lendemain, non seulement se sont attribués le droit de nous dire ce qu'est l'essence de la religion musulmane, ils se sont proclamés spécialistes des réalités psychosociologiques et politiques des musulmans eux-mêmes. Ok? Donc bien entendu, comme pour dire ça, il faut soi-même connaître l'islam. Commencer à dire que les autres se prétendent soi-disant des spécialistes de l'islam, il faut commencer par soi-même le connaître et avant d'accuser que les autres ne le connaissent pas. Après, qu'est-ce qu'il dit? Pourtant, comme on pourra le constater aisément dans ce qui suit, les musulmans du Québec, comme d'ailleurs ceux de partout au monde, ne sont pas tous kif-kif, et ce, ni dans leur rapport aux sources scriptuaires, de leur religion, le Coran et la Sunna, ni dans leurs attitudes vis-à-vis de leur environnement. Donne Hakim, passe-moi. Oui. Barakallahu fik. Donc, après. Inch'Allah. Donc, il dit, et ce, ni dans leur rapport aux sources scriptuaires dans leur religion, le Coran et la Sunna, ni dans leur attitude vis-à-vis de leur environnement sociopolitique. Il nous semble, pourtant, que ce pluralisme qui caractérise la communauté n'est pas bien cerné, et que cette incompréhension qui autorise certains à tenir des discours dogmatiques sur le fait musulman et d'autres à leur prêter oreille un peu trop facilement. Qu'est-ce qu'ils essaient de dire ici? Hein? Qu'il y a différents musulmans, différentes façons d'aborder les écritures de l'islam, soit le Coran et la Sunna, parmi les musulmans, différentes attitudes soi-disant par rapport à l'environnement sociopolitique, et ils disent que ça c'est un pluralisme, c'est-à-dire il y a différents groupes, il y a une compréhension plurielle, soi-disant, de l'islam, et donc ça caractérise notre communauté, qu'ils disent. Et donc, quand il y en a des gens qui parlent d'une façon dogmatique, c'est-à-dire pour essayer de faire croire aux gens qu'il faut croire en telle ou telle ou telle chose, eh bien, il y en a d'autres qui les écoutent trop facilement et qui prétendent que qui acceptent ce que ces gens-là disent. Ça, c'est ce qu'ils prétendent, parce que ça les dérange, ça. C'est-à-dire, quand il y a des musulmans qui commencent à appeler à une aqida claire et à dire que tous les musulmans doivent croire en ceci, hein, comme le Coran le dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, comme les salafs l'ont suivi par exemple, de revenir à la croyance des salafs et à la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ça les dérange. Parce qu'ils veulent, quoi? Ils veulent que chaque personne qui dit qu'il est en train de suivre quelque chose, il faut l'accepter de lui. Tu dis que tu suis le Coran, t'as ton interprétation, t'as ta façon de comprendre le Coran, ok, ça c'est ta façon, t'as le droit, suis qu'est-ce que tu veux, mais dis pas à l'autre que sa compréhension n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas correcte, comme ci ou comme ça. Et ça c'est la contradiction, justement. Comme par exemple, je réfléchissais à ça l'autre jour par rapport à l'entrevue que Samira Laouni avait donnée à Dutrissac. Je reviens encore là-dessus. Elle a perdu. Mais c'est juste pour vous dire, elle a perdu aux élections, mais c'est juste pour vous dire. Elle a dit, par exemple, quand Dutrissac lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez une femme qui fait l'adultère, qui couche avec des hommes, déjà qui boit de l'alcool, ouvrir un bar d'homosexuel, elle dit, tout ça, elle dit, ah, c'est pas moi qui peux juger. Elle dit, oui, mais qu'est-ce que Allah il dit à ce sujet-là? Ah, je suis pas Allah pour le dire. Qu'est-ce que le prophète dit à ce sujet-là? Elle dit, ah, moi je suis pas le prophète pour le dire. Il t'a pas demandé est-ce que t'es le prophète, il t'a pas demandé est-ce que t'es Allah, il t'a demandé qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran à ce sujet-là, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, et non pas toi, est-ce que t'es Allah ou est-ce que toi t'es le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait que t'es pas Allah, tout le monde sait que t'es pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais réponds à la question. Au lieu de ça, elle se faufile, elle refuse de répondre à la question. Peut-être parce qu'elle connaît pas la réponse, mais si elle connaît pas la réponse, qu'elle dise qu'elle ne sait pas. Au lieu de déformer la réalité. Ensuite, c'est une réponse bien connue. Après ça, quand l'autre lui parle de Jaziri, le Tunisien qui était l'imam à Qout, hein, on sait que déjà lui, son manhaj, c'est pas le manhaj salafi. Mais, malgré ça, elle dit, oh non, lui, j'aimais pas ce qu'il disait. Comment ça se fait quand on lui pose des questions sur des choses claires dans l'islam? Sur la fornication, sur les trucs comme ça, l'homosexualité et tout. Ah non, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le prophète. Mais là, pour juger, Jaziri, ah, non, j'aime pas ce qu'il dit lui. Comment tout d'un coup, elle a une position puis une opinion claire? C'est ça qui est bizarre avec les gens là. Donc, c'est comme ça qu'ils critiquent juste, hein, ils critiquent les gens uniquement quand, soi-disant, ça ne marche pas dans leur programme à eux, dans leur programme politique ou dans leur programme ou dans leur manhaj, hein. Si quelque chose ou si quelqu'un parmi les musulmans amène, dit des choses ou explique des choses d'une façon qui va en contradiction avec leur agenda, automatiquement ils vont l'exclure et dire qu'il n'est pas correct. Même si ce qu'il dit dans certaines choses était vrai et clair. Même Jaziri, si c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'erreurs et qu'il était peut-être ignorant ou qu'il a fait des erreurs dans certaines choses qu'il a dit ou qu'il avait certaines erreurs dans son manège, mais beaucoup de choses au sujet desquelles certaines personnes l'ont critiqué, c'était des choses qui étaient vraies. Hein? Comme par exemple quand il critique par exemple l'homosexualité. Il n'y a personne dans l'islam qui est d'accord avec l'homosexualité. Peu importe. Hein? Donc ça c'est un exemple. Tu vois? Donc, il y en a qui ont été gênés, par exemple, de ces paroles à ce sujet-là. Peut-être, en tout cas, Allahu A'lam. Mais c'est juste pour vous dire. Regardez qu'est-ce qu'ils disent encore par la suite. Ok. Ils disent, d'emblée, il faut dire qu'au Québec, ce que nous appelons la communauté musulmane possède plusieurs composantes. D'abord, sur le plan ethnique, il existe parmi les musulmans au Québec autant de groupes ethniques que dans la société québécoise elle-même. Donc, ils font des divergences entre les ethnies. C'est vrai qu'il y a différentes ethnies. Mais ça, ça justifie pas la divergence par rapport à la croyance et au fondement de l'islam. Coran et Sunna, on a les mêmes références. Et la voie des salafs, c'est obligatoire pour tous, peu importe l'ethnie. Et le rejet des bid'ah, et l'acceptation du tawhid et des fondements de la foi, ça c'est la même chose pour toutes les ethnies, que tu sois de n'importe quelle origine, que tu sois indonésien, chinois, hein, que tu sois québécois d'origine française ou anglaise, ou que tu sois yani, africain ou autre. Coran, Sunna, la voie des salafs, ça c'est fondamental, c'est obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas de divergence, on n'a pas le droit de diverger là-dessus. On n'a pas le droit d'accepter les groupes de bid'ah qui ont divergé de ces fondements-là. Après, il mentionne que certains musulmans du Québec sont en effet nés ici, alors que d'autres viennent d'ailleurs. Parmi ces derniers, une minorité est d'origine du monde arabe, tandis que d'autres de majorité, tandis que la majorité est d'origine indo-pakistanaise ou africaine. Ensuite, sur le plan des écoles juridiques, là, il ramène les divergences par rapport aux mazahib de fiqh. Hein, par exemple, Hanbali, Shafi'i, Maliki et Hanafi. Et il essaie de dire comme si, par exemple, que ça, ça justifie la divergence encore une fois. Et c'est faux. Comme on l'a expliqué, tous ces imams d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, que ce soit l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik ibn Anas, ou bien l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah, ils étaient tous sur la, les mêmes fondements et les mêmes bases du Coran et de la Sunna. Ils sont apparus à leur époque, ou avant leur époque ou après leur époque. Ils les ont respectés. Le plan des écoles juridiques, une majorité est d'obédience sunnite. Au chef du haut décidé, Subhanallah. Du haut décimé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ils parlent des écoles juridiques, des mazahib, après tout d'un coup, ils disent une majorité sont sunnites et une minorité font partie des chiites, des ethna ashriya, c'est-à-dire les gens qui suivent les 12 imams. Les rafidas, hein, qui insultent les sahaba, qui adorent les morts et qui font des pèlerinages aux tombes, et qui adorent Ali, Hassan, Hussein et Fatima, radiallahu anhum, et qui les prennent comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui déclarent que Abu Bakr, Omar et Othman sont des kuffars, et que la majorité des compagnons sont devenus des apostats après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui les insultent. Et ces gens-là, ils les mettent parmi les mazahib, et il le compare aux gens de Ahl Sunnah. Donc on voit ici une amalgame incroyable ici. Et le mazhab des Ithna Ashriya ne fait pas partie des mazahib de l'islam et qui ne sont pas acceptés. Mais on connaît la voix des Ikhwan al-Muslimin qui considèrent et qui respectent les Ithna Ashriya et les Rafida et Ithna Ashriya parmi les chiites et qui pensent que ce sont un mazhab parmi les mazahib. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous ai dit, ils cherchent à attirer des adeptes de toutes les sectes. Parce que leur but c'est de ramener tout le monde ensemble pour un objectif politique qu'ils ont. Hein? Et exactement, c'est ça le fondement des Ikhwan. Peu importe ta croyance, tu insultes les Sahaba, hein? Qu'est-ce qu'il dit Tariq Souaydan, hein, au Koweït? Il dit, si t'es un chiite, insulte pas Abu Huraira devant les gens, insulte-le dans ta maison seulement. A'udhu Billah, c'est comme ça qu'ils enseignent aux gens. Ça dit non, pour pas heurter les sentiments des sunnites, insulte-le pas devant les gens, insulte-le chez toi seulement. A'udhu Billah. Et toi tu vas avoir des gens qui insultent les sahabas, tu vas dire c'est pas grave, ils peuvent être dans notre groupe, ils peuvent être avec nous. A'udhu Billah, c'est quoi cette histoire? Donc, déjà là, on voit l'amalgame. Hein? Hassan al-Banna, il avait fait ouvrir en Égypte un centre justement pour le soi-disant rapprochement entre les sunnites et les chiites. Ça fait partie des égarements de Hassan al-Banna et de ceux qui les ont suivis. Après, il dit, au sein même de ces deux grandes écoles, plusieurs subdivisions existent, se côtoient sans nécessairement se confondre et chacune possède ses propres lectures des textes et des contextes. Allah al-Musta'an. Donc qu'est-ce qui... Ça, ils essaient de décrire quelque chose. Soit disant, s'ils prétendent accepter de décrire la réalité, c'est vrai, c'est la réalité. Sauf que, est-ce que cette réalité, elle est en accord avec qu'est-ce que Allah a ordonné ou non? Elle n'est pas en accord avec ce que Allah a ordonné. Mais eux, ils n'ont pas expliqué ça nulle part dans le texte. Ils n'ont fait que décrire la réalité sans jamais critiquer les contradictions au Coran et à Sunna dans cette réalité-là. Donc c'est comme si, soi-disant, il y a cette réalité, il faut l'accepter et c'est un statu quo et il faut juste vivre avec et s'unir et travailler ensemble, soi-disant, sans tenir compte de nos divergences. Et ça c'est contraire à ce que Allah et son messager ont ordonné. Soi-disant, chacun a leur interprétation, il y a des différences, des divergences dans la façon de comprendre le Coran, dans la façon de comprendre la Sunna. Et puis, il faut vivre avec. Hein? A'udhu billah. Donc, on voit après qu'est-ce qu'il dit. Enfin, par rapport justement à ces lectures, certains vont privilégier un littéralisme rigoureux, imbibé parfois des influences culturelles des pays d'origine, au moment où d'autres préfèrent interpréter des textes en fonction de ses finalités. Et procède souvent à sa mise en contexte avec l'espoir d'en faire émerger une pratique musulmane adaptée aux réalités culturelles, sociales. Donc on voit là qu'il commence à décrire d'autres choses. Comme si, yani, ceux qui vont être rigoureux dans leur façon de suivre le Coran, comme ils appellent littéralistes, souvent ils critiquent les salafis en disant que ce sont des littéralistes. Et ils n'expliquent jamais qu'est-ce que ça veut dire non plus, être littéraliste. Ça veut dire, ils disent, ah, mais ça veut dire, tu suis le texte à la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre le texte à la lettre? Parce que Allah, il a révélé le texte, hein. Et il nous a ordonné de suivre le texte. D'accord? Donc, est-ce que ça veut dire que quand il y a un texte, tu vas faire le contraire de ce qui est dans le texte? Parce que tu veux pas être littéraliste? Des fois, par exemple, des fois, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est que tu prends un hadith tout seul, puis tu veux l'appliquer sans même prendre en considération qu'est-ce qui était révélé dans d'autres hadiths et dans d'autres versets qui parlent du même sujet et qui clarifient ce sujet. Quand les salafs ont dit qu'on doit suivre le sens apparent du Coran, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire tu dois prendre le sens apparent du Coran, ça veut dire tu ne prends pas un hadith tout seul ou un verset tout seul ou un morceau de hadith ou un morceau de verset. Tu prends le verset, tous les versets qui parlent de ce sujet, tu les mets ensemble. Tu prends tous les hadiths qui parlent de ce sujet, tu les mets ensemble. Et là, tu analyses les ulama, ils analysent tout ça, et là, ils extraient les règles et les conditions et la compréhension de ces versets-là. C'est pas, c'est prendre le texte de façon littérale. Mais si tu veux prendre le texte de façon allégorique, et que chaque mot ou chaque verset ou chaque phrase, tu lui donnes une interprétation selon tes passions et tes désirs, comme ils disent ici par exemple, pour l'interpréter en fonction de ses finalités et pour essayer de la mettre en contexte dans l'espoir de faire émerger une pratique musulmane adaptée à la réalité culturelle, ça veut dire tu vas aller vivre en Amazonie par exemple, et puis les gens ils vivent tout nus par exemple, tu vas dire bon là ici, ben étant donné que les gens ici en Amazonie ils marchent tout nus, ben on va commencer à adapter la compréhension de ces versets là selon le peuple amazonien qui vit dans la jungle. Donc on va enlever nos vêtements et on va faire comme eux, A'udhu Billah. Hein? Ça c'est un exemple un peu exagéré que je donne. Mais c'est pour dire que dans l'islam, on ne doit pas essayer d'interpréter les versets pour plaire ou pour satisfaire à la société, par exemple, quand c'est en contradiction avec les fondements et les principes de l'islam. Mais plutôt le contraire, on doit s'accrocher fermement à la signification et au sens et aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les ordres que Allah nous a donnés. Et donc, il y a beaucoup de détails à donner à ce sujet-là. Ah, ça c'est disponible sur l'internet partout. Oh, ouais. Et puis il y en a pas, ça c'est le celui d'Astrolabe, puis il y a l'autre de présence musulmane. C'est presque la même chose. C'est presque, c'est comme si on dirait, ils sont tous des organisations différentes, mais quand tu lis ce qu'ils écrivent, c'est pratiquement le même texte. C'est comme, je dis pas que l'un copie sur l'autre, Exactement. Ils ont ça, ils ont en commun qu'ils veulent tous s'égarer du livre. Et quand tu regardes par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, sur les grandes lignes, ils appellent tous à la même chose, c'est que il faut accepter de s'intégrer dans la société, d'accepter les valeurs de démocratie, de laïcité, d'égalité entre l'homme et la femme, et ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et il faut s'unir entre les musulmans, soi-disant, peu importe notre croyance, peu importe notre divergence, peu importe notre secte, et oublier nos différends, puis soi-disant parce qu'on est au Québec, c'est parce qu'on est une minorité, il faut... Bon, ça c'est une bonne question. Est-ce que ce sont juste des ignorants qui sont manipulés, qui sont innocents, qui savent pas ce qu'ils font vraiment, ou bien est-ce qu'ils sont volontairement égarés, ou bien volontairement ignorants, et qu'ils suivent leur passion de cette façon-là, et dans ces groupes-là, il y a les deux. Il y a ceux qui sont à la tête de ces groupes, qui savent exactement ce qu'ils font, qui savent exactement comment ils s'organisent et tout, et ceux-là, ils connaissent la vérité en grande partie, mais ils s'opposent à cette vérité-là, et il y en a d'autres parmi eux qui sont manipulés, qui sont ignorants, qui se laissent justement guidés par eux vers l'égarement. Ils ne se laissent pas guider, ils se laissent plutôt égarer par ces gens-là. Mais heureusement qu'il y a des ulama, alhamdoulilah, des ulama, des savants de l'islam, à toutes les époques, Allah subhanahu wa ta'ala a fait toujours qu'il y ait des savants de l'islam qui viennent pour répondre à chaque fois qu'il y a des gens comme ces gens-là qui viennent pour essayer d'égarer les musulmans, de les faire dévier du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a fait toujours en sorte qu'il y ait un savant qui vienne pour les remettre à leur place, pour ramener la vérité au-dessus et pour écraser le mensonge de ces gens-là, à chaque fois. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque 100 ans, il va faire qu'il y a un savant qui vient, qui va remettre la religion à neuf, dans le sens qu'il va ramener la pureté de cette religion-là et qui va éliminer toutes les innovations, toutes les déformations, tous les changements que ces gens-là ont essayé d'amener dans la religion et dans les principes de l'islam. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que cette religion-là est toujours protégée, toujours préservée, comme Allah dit dans le Coran, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun » Nous avons fait descendre le rappel et certes, nous allons le préserver et le protéger. Et c'est le Coran et la Sunna. Le Coran, c'est la révélation d'Allah, la parole d'Allah, et la Sunna qui est l'interprétation et l'explication comment appliquer cette révélation-là. Et Allah, et le prophète, il dit « وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرهم وهم على ذلك. Il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être fermement, qui va se tenir fermement sur la vérité à toutes les époques, jusqu'au jugement dernier. Ceux qui vont les abandonner vont pas leur nuire et ceux qui s'opposent à eux vont pas leur nuire jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire ceux qui sont avec eux au début et après qu'ils les laissent, soit parce qu'ils ont peur ou soit parce qu'ils ont pas le courage qu'il faut pour rester avec eux, ou bien soit parce qu'ils les abandonnent parce que justement ils se laissent tenter par des égarements, ils vont rien faire contre eux, ils peuvent rien faire, leur faire de mal. Et ceux qui s'opposent à eux ouvertement, directement, ils peuvent rien faire de mal contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la vérité. Toi, si tu es ferme sur la vérité, puis que tu t'accroches à la vérité, puis que tu pratiques la vérité, quelqu'un peut te faire quelque chose? S'il te tue, le pire qui peut t'arriver, c'est quoi? Il va te tuer? Inch'Allah, tu rentres au paradis. Hein? S'il essaie de parler contre toi, ou de dire des mensonges contre toi, il peut rien dire parce que toi, tu tiens sur la vérité. Il essaie de mentir sur la vérité, sur l'islam, de dire des choses. Non, toi, qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ce que Allah dit, ce que le prophète a dit. Il peut rien faire contre toi. Hein? Mais c'est ça le fait de rester sur la vérité, ils ne peuvent rien faire contre toi si tu restes sur la vérité, tant que ce que tu dis c'est ce que Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les ulama ont dit, et tu t'accroches à ça et tu restes ferme là-dessus, même si les gens ils essaient de jouer avec ça, avec toi, ou essayer de te faire pencher vers un côté, à gauche ou à droite, ils ne peuvent rien faire contre toi. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, cela sans parler des nuances plutôt modernistes, libérales, réformistes, politiques et apolitiques, etc. Et ces diverses interprétations. Bref, non seulement il y a pluralité, celle-ci est d'une complexité qui interdit les regards simplistes et les généralisations peu prudentes. C'est vrai qu'il faut admettre qu'il y a des divergences et des divisions entre les musulmans, mais pas dans le sens que tu les acceptes, dans le sens que tu dis aux gens c'est pas grave, il faut vivre avec ça, puis il faut pas critiquer, non. Dans le sens qu'il faut corriger les erreurs, répondre et réfuter les mensonges et les égarements, et ramener les gens à suivre la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna, hein, et à la voie des salafs salih. Et non pas de dire à chacun, tu peux suivre ce que tu veux. Parce que quand tu vois ces groupes-là, par exemple, Astrolab et d'autres, quand ils vont critiquer, par exemple, quand ils vont critiquer moi, ou quand ils vont critiquer d'autres personnes qui appellent au Coran et à la Sunna, quand ils vont critiquer les salafis, est-ce que tu penses qu'ils vont les critiquer en disant « قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » Non. Ils vont les critiquer en disant « Ah mais non, c'est pas de la bonne façon qu'il faut parler, on est au Québec, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, il faut accepter les valeurs québécoises, il faut accepter ci et ça. » C'est pas des arguments islamiques, c'est pas des arguments du Coran et de la Sunna, c'est des arguments des gens qui veulent suivre leur passion. Exactement, bon, ça c'est un autre... Non, ça c'est des exemples pour vous faire comprendre que ils vont nous critiquer, mais est-ce qu'ils vont nous critiquer par rapport à l'islam, par rapport à la charia, par rapport au Coran et à la Sunna? Non, ils vont nous critiquer par rapport à leur passion, à leur désir. D'accord? A'udhu billah. En tout cas, regarde qu'est-ce qu'ils disent ensuite. Bon, si c'est, comme je disais, si c'est juste pour dire qu'il y a des divergences, c'est vrai qu'il y a des divergences, mais il faut corriger ces divergences-là. Et il faut expliquer, même aux non-musulmans parfois, comme les ulama ont dit, hein, Cheikh al-Najmi, Ahmed al-Najmi par exemple, qui est décédé récemment, rahimahullah, on lui a posé la question, ça fait quelques mois, on lui a demandé au Cheikh, Cheikh, est-ce que c'est bon d'expliquer aux non-musulmans les différences qui existent entre les gens de Ahl-Sunnati wal-Jama'a et les Khawarij, par exemple, les gens qui font le takfir, qui tuent les musulmans, qui font des attentats terroristes, qui font la révolte contre les dirigeants musulmans, qui font des kamikazes ou des trucs de ce genre-là. Est-ce que c'est bon d'expliquer ça aux non-musulmans, de leur dire ces réalités, de ces faits, ou de parler aux koufas, de leur dire qu'entre Ahl-Sunnati wal-Jama'a, il y a des différences avec les gens de Ikhwan, et de leur expliquer c'est quoi la différence et tout? Cheikh Ahmed al-Najmi a dit que c'est important de leur dire la différence entre ces groupes-là, justement pour qu'ils soient capables par la suite de distinguer entre ceux qui appellent réellement à l'islam et ceux qui appellent à des choses qui sont contraires à l'islam. Parce qu'ils doivent savoir eux aussi, puisque Allah leur ordonne de suivre et d'accepter la vérité et de rentrer dans l'islam. Et s'ils doivent rentrer dans l'islam, ils doivent rentrer dans la vérité par rapport à l'islam, et non pas ce que certains musulmans inventent au nom de l'islam et qu'ils changent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala au nom de leur parti politique ou autre. Regardez qu'est-ce qu'ils disent ensuite. Ils divisent les musulmans par la suite par rapport à la société. Regardez, là c'est un autre stratagème qu'ils ont inventé. Ils ont dit il y a trois positionnements. Le positionnement, le premier, c'est ceux qui sont pour le « eux » et le « nous ». Ils disent non, nous on est musulmans, eux c'est des non-musulmans. Ils disent nous on n'est pas d'accord avec eux, ça c'est un extrême. Ils disent il y a le deuxième, ah oui, ils disent que ça c'est la position du repli identitaire. Hein? Les deux premiers, le nous et le eux. Après, il y a le repli identitaire et le repli identitaire, ça c'est le 1. La deuxième position, qui est une autre extrême, le reniement de soi, c'est-à-dire tu t'oublies, tellement que tu te nies toi-même que tu t'oublies, tu fonds dans la société, soi-disant. Hein. Et ça c'est la majorité qui sont ici, dans les pays non-musulmans. La plupart des musulmans ils font partie de cette catégorie-là. Eux, ils disent que c'est un extrême, mais c'est pas vrai, c'est pas un extrême. C'est-à-dire, c'est pas une minorité qui font partie de cette catégorie-là, qui se laisse, qui s'intègre complètement dans la société. C'est-à-dire, quand tu les vois dans la rue, est-ce que tu peux savoir que c'est des musulmans? Ou non? Tu peux savoir peut-être qu'ils font partie d'un groupe culturel, d'une minorité visible, qu'ils ont l'aide de gens exotiques, ils ont des traits arabes, pakistanais, turcs, d'autres pays. Mais est-ce que tu peux savoir que c'est des musulmans? Parce que eux, ils font un amalgame tout de suite comme, quelqu'un qui est, par exemple, kabyle, marocain, tunisien, algérien, turc, africain, indien, automatiquement musulman. Non? Il y a des chrétiens, parmi eux, il y a des juifs, parmi eux il y a des hindous, parmi eux il y a des athées, parmi eux il y a des communistes, parmi eux, hein. Il faut pas mélanger les choses. La plupart des musulmans, quand tu les vois dans la rue, souvent tu peux pas savoir si c'est des musulmans ou non. Tu peux savoir si c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont pas européens, ou qui ont pas des traits caucasiens ou blancs. Oui, peut-être, mais tu peux pas savoir est-ce que nécessairement ce sont des croyants ou des musulmans par leur apparence, parce qu'ils se distinguent pas sur le plan de la religion quand on les regarde. Et la première partie, ceux qui disent le « eux » et le « nous », eh ben ceux-là, ils les décrivent de façon en voulant dire « ah, ça c'est des extrémistes, ils veulent pas se mélanger, ils veulent juste être entre eux ». Puis eux, ils font partie soi-disant de la majorité, le groupe qui disent « nous on veut, yani, par exemple, être fier d'être Québécois », c'est ça qu'ils disent, les Québécois, ils disent, regardez comment ils se parlent d'eux-mêmes. Moi, ça me ferait parce que c'est des Algériens à ce point-là. Mais j'imagine s'ils vont en Algérie, là, quand ils vont en Algérie, ce qu'ils disent aux Algériens, nous on est des Québécois, on n'est pas des Algériens. Hein? Allah nous parle. Ah ouais, il dit, les Québécois, premièrement, Québec, c'est pas un pays. Donc ils en parlent comme si c'était un pays déjà. Hein? Les Québécois de confession musulmane, dans leur écrasante majorité, ne veulent au contraire point devoir choisir entre leur identité musulmane, qu'elle soit culturelle ou religieuse. Déjà là, il y a une contradiction. L'identité musulmane, c'est pas culturelle, c'est religieux seulement. Et eux, ils disent culturelle ou religieuse. Hein? L'islam, c'est pas une culture, c'est une croyance, c'est une foi en la révélation d'Allah, une soumission à Dieu. Et leur appartenance citoyenne, c'est-à-dire qu'ils veulent pas choisir entre la religion et la citoyenneté. Déjà là, il y a encore une autre contradiction. On a déjà parlé de ces choses-là déjà dans les cours précédents. Ils se perçoivent pleinement québécois, aussi pleinement québécois que musulmans. Aujourd'hui, au Québec, la majorité des mosquées est parmi l'ensemble des cadres associatifs musulmans lors des prêches du vendredi, comme au moment des cercles d'études ou des conférences publiques, tout le monde ou presque proclame haut et fort la fierté à la fois de son identité musulmane et de son appartenance à la citoyenne au Québec. Moi, j'ai jamais entendu ça, mais bon. Ça, c'est leur position à eux. Ils disent cette troisième position identitaire dans laquelle s'inscrit totalement Astrolab se trouve d'ailleurs de plus en plus présente par des hommes et des femmes, hein, représentée par des hommes et des femmes, et de plus en plus nombreux et de plus en plus influents qui assument sans le moindre complexe leur identité musulmane et leur québécitude. Il y a des paroles qui sont vraiment. On devrait même pas donner à ces paroles futiles et bêtes aucune importance. N'as-salallahu al-afiyah. Ensuite, ils disent, mais il faudrait surtout, hein, surtout, que nous ne soyons pas mal compris. Si nous supportons cette troisième posture et nous la considérons la plus à même de servir les intérêts des Québécois de confession musulmane et de leurs concitoyens, nous reconnaissons le droit de toutes et tous et de tous, quel que soit leur positionnement identitaire, de participer au débat citoyen qui les concerne seulement. Nous appelons l'ensemble des organismes et qui les encadrent l'action dans ces diverses tendances à un dialogue intra-communautaire aussi ouvert que franc. Un dialogue. C'est quoi le dialogue? Hein? Il dit, ce dialogue est important pour trois raisons. D'abord, un, pour encourager chacun et tous à respecter le pluralisme intracommunautaire. Intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté des musulmans, à Montréal, soi-disant. Ça, c'est de un. Deux, ensuite, pour réfléchir ensemble sur le meilleur moyen d'éviter l'instrumentalisation politique de ces différences. Instrumentalisation qui pourrait permettre de brimer une partie de nos concitoyens et co-religionnaires de leur droit de vivre conformément à leurs convictions. Donc là, premièrement, il dit qu'il faut respecter le pluralisme. Il ne faut pas qu'on se critique entre nous, entre les différentes sectes ou les différents groupes, différents manahij, soi-disant. Il faut respecter. Deuxièmement, pourquoi il faut réfléchir, il faut faire un plan ensemble pour pas que les politiciens utilisent les attitudes ou les comportements de certains d'entre ces gens-là qui vont brimer, là, qu'est-ce qu'ils disent, les droits de vivre conformément à leur conviction de certains d'entre eux. hein, parce que eux, quand ils voient par exemple certains musulmans qui appliquent ou qui disent certaines choses de l'islam, peut-être que ça va venir et les politiciens vont utiliser ça pour essayer d'interdire ou de changer certaines choses ou de ne pas permettre certaines choses, et ça, ça va empêcher ces gens-là de pouvoir s'intégrer mieux dans la société des koufars. Il y a pas, hein, comme on verra plus tard, Inch'Allah, plus de détails de ça. Après, il dit ensuite, et enfin, pour apporter une réponse concertée à la question importante posée dans le document de la Commission concernant l'organisation du leadership communautaire. Et là, on voit ici, hein, qu'il parle déjà de leadership, soi-disant il veut faire un leadership pour toute la communauté, trouver un chef, et puis ils vont essayer peut-être même de voter qui est-ce qui va être le chef des musulmans au Québec, et puis bien entendu ça va être sur le manhaj, bien entendu, de ces gens-là. Il dit, pour le moment, outre le dialogue intercommunautaire que nous avons, nous ne pouvons tout au plus qu'attirer l'attention sur deux autres conditions qui nous semblent essentielles pour que cette éventuelle organisation ou représentation soit légitime aux yeux de la majorité d'entre nous. La première condition, la nécessaire distinction entre le culte musulman et les autres questions sociopolitiques de la communauté, à cet égard, en référence à la question posée par la Commission, si nous pouvons très bien concevoir une prochaine organisation en matière de la réponse du pour la communauté. Donc, ils veulent dire que pour l'instant, ce n'est pas le temps de parler de leadership politique. Qui est-ce qui contrôle le culte en France? Qui est-ce qui s'occupe des motifs et des organisations? Qui s'occupe de toutes ces choses-là et qui mettent en place leur structure et leur organisation là-bas. Après, il dit quoi? Après, il dit, sur ce plan-là, cette dernière, comme on vient de le voir, n'est pas un groupe monolithique et ses membres, en tout cas, en ce qui concerne, se définissent d'abord et avant tout comme citoyens à part entière, dont les représentants politiques ne sont autres que ceux et celles de l'Assemblée de l'ensemble des Québécois, c'est-à-dire les élus du peuple. Après, les deuxièmes conditions, ça c'est la fin de qu'est-ce que je voulais lire, quant à elles, a trait au processus par lequel l'idée de l'organisation du leadership communautaire devait se concrétiser, s'il y a lieu, nous tenons que ce processus soit respectueux des principes démocratiques. Il faudrait donc s'assurer que ce leadership soit l'émanation de la volonté des premiers concernés, c'est-à-dire l'ensemble des Québécois de confession musulmane. Donc là, c'est pour vous dire comment ces gens-là, encore une fois, ils appellent à l'application de la démocratie. Et puis il y a un endroit dans le texte, ils disent ici, la diversité des interprétations au sein des communautés religieuses existe et doit être respectée. D'autre part, cette foi, pour être cohérent avec le principe même de la religion musulmane, celle-ci refuse aux adeptes d'une école juridique d'imposer leur point de vue à celle des autres. Cela étant dit, une approche complètement subjective ne peut également être tolérée dans l'absolu, motivée religieusement. Toute requête d'accommodement devrait être tenue de faire la preuve de son fondement religieux en démontrant qu'elle s'appuie à tout le moins sur une interprétation juridique légitime, dans le sens qu'elle découle d'une compréhension, même contestée, du texte sacré, Coran ou Sunna. Donc, on voit que la marge, elle est large pour, soi-disant, leur interprétation de qu'est-ce qui est islamique dans la communauté, soi-disant, musulmane au Québec. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis, on a donc lu ces petits passages-là pour vous faire voir un petit peu comment ces gens-là pensent et comment ils ont des projets et des plans. Qardaoui, on va y revenir. Il dit, là, qu'est-ce qu'il dit, là, Qardaoui, c'est la même chose que qu'est-ce qu'il dit Abdelmajid Al-Zindani. Et le chef ici, dans ce livre, il fait la critique de qu'est-ce qu'Abdelmajid Zindani a dit. Donc, si tu sais ce que d'une dernière hadith, tu sais ce que Qardawi a dit, parce qu'ils ont pris les uns des autres, ils répètent les mêmes paroles. Mais si vous voulez, Inch'Allah, même plus tard, dans les cours qui vont suivre, on va même lire le texte de Qardawi puis le réfuter. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.